إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc aujourd'hui on a quelques petits problèmes techniques au niveau de Paltalk. La Kulihal, le dars, il est enregistré, inshallah, et il sera disponible sur le site, et on essaie de régler le problème le plus vite possible, inshallah. Commence directement le cours. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, As-salatu ala al-minbar. Wa salla sallallahu alayhi wa sallam marratan ala al-minbar. Wa fi riwayatin annahu dhu thalati darajatin. Faqama alayhi. Fakabbara wa kabbara al-nas wa ra'ahu huwa ala al-minbar. ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القه قرأ حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ في آخر من آخر صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. دوك شيخ الألباني رحمه الله تعالى ندي دونك دو سون ليفغ لا ديسكريبسيون لا بريير دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. Et c'est un nouveau chapitre, la prière sur le minbar, qu'on peut traduire par chair en français, hein, C-H-A-I-R-E. Et il, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a prié une fois sur le minbar. Hein. Et quand vous regardez dans certains livres dans la langue arabe, certains dictionnaires de langue arabe, vous voyez que ça vient du mot intabara, hein, c'est-à-dire être élevé. À la kulli hal, et dans une narration qui avait trois marches. Il se mit debout sur le minbar, fit le tekbir, et les gens derrière lui firent le tekbir également, alors que lui était sur le minbar. Il s'inclina sur le minbar, puis se releva et descendit à reculons, jusqu'à ce qu'il se prosterne au pied du minbar, puis retourna alayhi salatu wassalam sur le minbar et fit ce qu'il fit dans la première unité de prière, c'est-à-dire dans la première raka'a, jusqu'à ce qu'il ait achevé sa prière, puis se tourna vers les gens et dit: « Ô gens, j'ai fait cela afin que vous me preniez pour exemple et que vous appreniez ma prière. » C'est donc un hadith qu'on appelle « Muttafaqun alayh » qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc, avant de rentrer dans l'explication de Cheikh Bazmoul de ce chapitre-là, on va lire la riwaya de Muslim ensemble, inshallah. Je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que ici, vous allez voir que dans le hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a rapporté que l'action même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que quand vous regardez dans Sahih Muslim, quand vous regardez dans le hadith complet, vous voyez également la raison pour laquelle le hadith a été rapporté. Hein, avec le sahabi qui est Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, parce que son père était un sahabi également, on lui a posé la question, et on va le voir dans un instant, inshallah, sur qui a fait le minbar et de quoi a été fait le minbar. Donc je donnerai la référence après complète, le sharh de Sahih Muslim du Cheikh al-Ethiopie, hafidahullah ta'ala. Et on va dans le bab jawaz ikun al-imam ala makan arfa'a min al-ma'mumin wa jawaz an-nuzul wa as-su'ud fi as-salah lil haja. C'est tout ça on va voir après, inshallah. Mais rien que la tarjama ici, le titre du chapitre, nous donne déjà beaucoup d'indications. Et Cheikh al-Ethiopie dit hafidahullah ta'ala wa bis-sanad al-muttasil ila al-imam Muslim bin al-Hajjaj rahimahullah al-madhkur awwal al-kitab qala, hein, parce qu'il rapporte avec un sanad, c'est un muhaddith hafidahullah. Il dit hadathana Yahya ibn Yahya وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظرني غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Donc c'est une traduction maintenant approximative du hadith. Et Abdelaziz ibn Abi Hazim, et Cheikh l'Éthiopie, il dit, hafidhahullah ta'ala, que c'est Abdelaziz, le fils de Salamatu ibn Dinar, le Médinois, al-Madani. Mort selon l'un des avis des Mashaykh en l'an 184 de l'Égir. Il rapporte de son père, qui est qui? Ben, je dis le nom, si vous avez écouté, Abdelaziz ibn Salama ibn Dinar. Donc son père c'est Salamatu ibn Dinar, Abu Hazim sa cougne, Abu Hazim. Mort en 140 avant ou après, en fonction de certains avant des Mashaykh. Il dit donc qu'un groupe de gens, un anafaran, ici un point important qu'a apporté l'Éthiopie, il dit, il dit qu'on ne connaît pas leur nom, un groupe de gens, est venu chez Sahl ibn Sa'd. Sahl ibn Sa'd, retenez ce nom-là parce que c'est un compagnon, fils d'un compagnon. Sahl ibn Sa'd. Le nom complet c'est Sahlun ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji al-Sa'idi et sa cunia c'est Abu al-Abbas. C'est pour ça qu'après le hadith, qu'est-ce qu'on a entendu? Il a dit Ya Aba Abbas. Comme ça. Et c'est un compagnon et fils de compagnon, radiallahu anhuma, mort en 88 ou après, à plus de 100 ans, alors qu'il avait plus de 100 ans. Donc on revient au groupe de gens, ils sont venus chez qui? Sahl ibn Sa'd. Alors qu'ils avaient débattu sur le minbar de quel bois est-il, il dit, par Allah, je sais certes de quel bois il est fait et qui l'a fait. Et j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le premier jour où il s'est assis dessus. Il dit, je dis, oh Abu Abbas, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire Sahl ibn Sa'd, car c'est sa cunia. Fahadithna. Cheikh l'Éthiopie dit, c'est-à-dire, si tu connais ce minbar, cette chair, à propos de laquelle nous avons débattu, de cette connaissance particulière, al-ma'rifa al-mutamayyiza. Car tu sais de quel bois elle est faite et qui l'a faite. Et le premier jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis dessus. Eh bien, rapporte-nous tout cela afin que s'arrête la discussion, le débat entre nous à ce sujet. C'est pour ça qu'il a dit fahadithna. Il dit, c'est-à-dire Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un, c'est ça qu'il faut comprendre ici, à une femme. Ibn Hazar dit dans Al-Fatih, c'est-à-dire quoi? Fatih al-Bari, Sahih al-Bukhari, que l'on ne connaît pas son nom, mais que c'est une ansariya. Parmi les Ansar. Et Abu Hazim Salam ibn Dinar dit que Sahl ibn Sa'd a cité son nom lorsqu'il les a informés de ce hadith-là. D'accord? Et donc le prophète s'est envoyé pour dire, regarde ton jeune menuisier, Onduri Ghulama Kannajjar, qu'il me fasse des bouts de bois, Oudan, ou Awadan le pluriel, sur lesquels je puisse m'asseoir pour m'adresser aux gens. Il fabriqua donc ces trois degrés, ces trois marches, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'elles soient placées à cet endroit. Et Cheikh al-Tioubi, il dit, hafidahullah, il dit à l'endroit où elles étaient lorsque Sahl les informa. Et où elles sont encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord? Vous voyez la précision de Cheikh al-Tioubi, pour les frères qui ont le livre à la maison pour qu'elle habite la tariqa de Cheikh al-Tioubi, il fait chaque fois gharib le hadith, c'est-à-dire que chaque morceau du hadith, il explique en fait ce que ça veut dire avant, après avoir parlé du sanad et avant d'avoir de donner une explication plus détaillée tout l'ahkam, etc., tiré du hadith. Ensuite, il dit ils sont, c'est-à-dire ces bouts de bois dont le minbar est fabriqué, d'un arbre d'un bois près de Médine. Comme il a dit en arabe ici, tarfa il ghaba. Hein? Puis le reste du hadith, est-ce que Cheikh l'Albani a rapporté et qu'on a déjà traduit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et puis qu'il a prié, que les gens, hein, qu'il a fait le takbir et que les gens font le takbir après lui, etc. D'accord? Donc je vous ai rapporté la première partie du hadith pour comprendre pourquoi est-ce que le hadith a été rapporté. Et une remarque à faire comme par rapport à ce hadith, c'est ce qu'a dit l'imam Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. D'accord? Il dit dans son explication de Sahih Muslim que dans la version de Jabir dans Sahih al-Bukhari, parce qu'on a dit qu'il est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, la version de Jabir dans Sahih al-Bukhari et dans d'autres, il est dit que la femme a dit: « Ô messager d'Allah, ne te ferais-je pas quelque chose sur laquelle tu pourrais t'asseoir ?» Or ici dans la version qu'on a, c'est quoi? C'est que le prophète s'est mis à l'envoyer vers elle. Hein? Et Cheikh al-Nawawi fait un jam' Hassan, comme il dit Cheikh al-Ethiopie. Il dit quoi? Il dit, donc on termine d'abord la parole de la femme, radiallahu anhu wa arda, elle dit: « Ô messager d'Allah, ne te ferais-je pas quelque chose sur laquelle tu pourrais t'asseoir? Car j'ai un jeune menuisier. » Il dit: « Si tu veux. » Et elle fit le minbar. Et cette version est en apparence, et ça c'est important de chercher ce qu'il a dit, en apparence contradictoire avec la version de Sahl ibn Sa'd que nous on vient de voir ici. Mais on regroupe les textes, on fait le jam' ben al-Nusus, comme on a dit, de la manière suivante. C'est que la femme a proposé cela en premier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il envoya quelqu'un à elle pour lui demander de le faire. Hein? Et donc c'est la fin de citation de l'imam Nawawi rahimahullah. Et Cheikh al-Ethiopie dit que c'est un wahad jam'un hasanun, et c'est donc une bonne manière de regrouper les textes. Et donc je vous donne la référence pour les frères qui ont le livre, voire pour les frères qui n'ont pas Sahih Muslim de Cheikh al-Ethiopie. Il en vend pas loin d'ici. Hein. Hein, je l'ai acheté la semaine passée d'ailleurs, à la Kouli Hal, pour ceux qui veulent, je vous conseille vivement de l'acheter. Il n'est pas complet. Hein, il est en train d'être édité petit à petit. Le Cheikh, il a déjà écrit 27 volumes. Il n'y en a que 14 qui ont été édités. Et les 14 qui ont été édités, il a à peine fini Kitab Iman et Kitab Salah. Hein? Donc j'en ai parlé avec Abou Seb, etc. On calculait plus ou moins, on disait qu'il va arriver à minimum, Inch'Allah, 40-50 volumes. Hein? À la Kulli Hal. Donc c'est Al-Bahr al-Muhit, fi Sharhi Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, de Cheikh Mohamed ibn Adam al-Ethiopie. Volume 12. Page 315 et suivante, hadith numéro 1221, et c'est donc aux éditions d'Ar ibn al-Jawzi. Pour les frères qui veulent jeter un coup d'œil après, j'ai le livre ici avec moi aujourd'hui. Donc Cheikh Bezmoul maintenant, il commente le passage de qui? De Cheikh l'Albani, rahimahullah. Hein? Et il dit: هذا الحديث فيه بيان أنه يشرع للإمام أو للمعلم أو للشيخ أن يصلي أحيانا على شيء مرتفع لكي يراه الناس ويرون كيف يؤدي الصلاة. ومن تراجم البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. Donc Cheikh Bezmoul, qu'Allah le préserve, commente ce passage en disant: il y a dans ce hadith quoi, la mise en évidence du fait qu'il est légiféré pour l'imam ou l'enseignant ou le cheikh de prier parfois sur quelque chose d'élevé. Et c'est une chose que, par exemple, Hassan Abou Asma, notre frère, Zallahu Khairan, il a pratiqué dans le sud de la France, quand ils étaient une mosquée fréquentée par beaucoup de Maghrébins dans le sud de la France. Hein, il a fait ça, il a fait le fait de prier, je pense que c'est sur une table qu'il avait fait pour montrer justement aux gens comment prier. Zallahu Khair al-Jaza. Et donc on a dit quoi? Qu'il est légiféré pour l'imam ou l'enseignant ou le shir de prier parfois sur quelque chose d'élevé, afin que les gens le voient et qu'ils voient la manière d'accomplir la prière. Et parmi les titres de chapitre de Sahih al-Bukhari, ce qu'on appelait quoi en arabe, At-Tarajum, vous vous souvenez? On avait dit quoi? On avait dit que Fiqh al-Bukhari fi Tarajumihi, le titre de ce chapitre. Et bien justement ici, parmi les titres de chapitre d'Al-Bukhari, c'est le chapitre de la prière sur les toits et le minbar et le bois. D'accord? Cheikh Bezmoul continue un peu plus loin en disant: وهذا الحديث أيضا يدل على أن الحركات المتوالية داخل الصلاة إذا كانت لأمر عارض أو لحاجة ولحاجة فإنها لا تبطل الصلاة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ثم يرجع القهقراء ثلاث درجات ثم يصعد في أثناء الصلاة، فدل ذلك على أن هذه الحركات لا تبطل الصلاة، وأن صلاة الإمام أعلى من المأمومين تجوز إذا كان لحاجة. Donc qu'est-ce que Cheikh Bazmoul nous dit ici, c'est un point comme important aussi. Il dit Hafidahullah, ce hadith est également ou indique également que les gestes successifs dans la prière, quand c'est pour un besoin, qu'il n'annule pas la prière. D'accord ? Donc vous avez ici un dalil. On avait déjà rapporté un des dalils. C'était quoi ? Barakallahu fik. C'était quoi sur le fait de retirer ses sandales ? Hein ? Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait fait. Et que les gens l'ont fait derrière lui. Hein? Vous savez de ce hadith-là? C'était le dars précédent, je pense. À la kulli hal, on a dit que donc ces mouvements pour un besoin n'annulent pas la prière. Et que la prière de l'imam à un endroit élevé par rapport aux gens derrière lui est autorisée pour un besoin. D'accord? Et Cheikh, il continue, il dit... وفيه أهمية تعليم الناس صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولولا أهمية ذلك ما تكلف صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة على المنبر على هذه الصفة. وفيه أن السنة في المنبر أن يكون على درجات ثلاث، وأن يراعى فيه أن لا يقطع الصف. Donc Cheikh Bazmoul il dit, il y a dans ce hadith également l'importance d'apprendre aux gens la description de la prière du prophète. Et ici, on a quoi avec ça? On a quoi ici? Eh bien, on a la raison de ce cours qu'on fait tous les samedis. Hein? Que vous voyez que ce n'est pas pour rien qu'on fait ce cours. Il y a une importance à ça. Et que le prophète a donné une importance à ça. Et nous, en tant que gens de la sunna, on se doit de suivre le prophète hein? Dans le fait de montrer l'importance de la salah, la manière, la description de la prière correcte du prophète. La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la manière de la prier correctement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Hein? Donc je répète la phrase ici, il y a dans ce hadith également l'importance d'apprendre aux gens la description de la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit le Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, Mohamed ibn Omar Bazmoul, si ce n'était pas important, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas chargé de prier sur le minbar de cette manière. Il y a également dans ce hadith la preuve que la sunna concernant le minbar est qu'il soit de 3 marches, 3 degrés. Et que l'on doit faire attention à ce qu'il ne coupe pas le rang. Cheikh continue en disant ولخص المصنف أحكام هذا الفصل في قوله في تلخيص صفة الصلاة. Donc on arrive déjà au résumé. أولا وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس ويقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc Cheikh Bazmoul nous dit que l'auteur, c'est-à-dire qui est Cheikh l'Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a résumé les jugements, les ahkams de ce chapitre dans son résumé de quel livre, évidemment, de la description de la prière du prophète. Il a décrit de la manière suivante. Et comme on avait appelé le résumé, ça s'appelle en arabe At-Talkhis. Hein? Il dit, Cheikh l'Albani, rahimahullah, il est, et ça je voudrais que vous notiez, que vous le mémorisiez, il est autorisé à l'imam de prier à un endroit surélevé. Pourquoi ? Pour quelle raison on avait dit ? Pour apprendre aux gens. Na'am. Il se met debout dessus, Yaqoum Alay, puis, d'accord ? Puis récite, puis s'incline, c'est-à-dire il fait quoi ? Il fait le recours, en étant à cet endroit surélevé. Puis descend à reculons. C'est pour ça qu'en arabe, le mot ici, c'est Al-Qahqara. Retenez ce mot-là. Al-Qahqara. Al-Qahqara. C'est-à-dire qu'il est descendu à reculons afin qu'il soit à même de se prosterner ou par terre, à la base du minbar. Puis il revient sur le minbar. Et il fait dans l'autre raka'a, c'est-à-dire l'unité de prière, ce qu'il a fait dans la première. Et c'est donc la fin de citation de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc comme le cours, aujourd'hui je voudrais finir là-dessus, en tout cas en ce qui concerne le livre de Cheikh Bezmoul, pour pas qu'on rentre dans le chapitre sur la sutra. Le chapitre de la sutra, il est assez long, hein, et je voudrais pas qu'on commence le tout début en tout cas, même si peut-être quoi, après on devra le couper en plusieurs cours, à la kulihal, je voulais pas le commencer aujourd'hui, et j'en ai profité pour, hein, si vous avez encore un petit peu le temps, j'ai profité pour appeler, pour faire deux nasiha. Hein. Première nasiha, c'est sur le fait de se visiter en Allah Azza wa Jal. Et la deuxième nasiha, c'est sur l'amour en Allah Azza wa Jal. Hein? J'espère que j'ai pris le bon livre. Donc, le chapitre, je le prends dans l'Adab Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et je lis en arabe, on traduit comme on fait d'habitude, inshallah. Babu al-Ziyara. An Abi Hurayrata, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, idha aada al-rajulu akhahu, aw zarahu, qal allahu lahu, tibta, wa taba mamshaka, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Donc, en guise de première nasiha sur le fait de se visiter en Allah Azza wa Jal, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'homme, et on va voir pourquoi ici on va traduire ça par visite son frère malade ou en bonne santé. Parce qu'en arabe, le verbe ici c'est ida ad al-rajulu akhahu aw zarahu. Et on va voir qu'il y a une différence entre les deux. Si l'homme visite son frère malade ou en bonne santé, je l'ai traduit directement de cette manière-là d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, inshallah. Donc le hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et il a été jugé authentique par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Sahih Al-Adouf. Maintenant, regarde le charh. Ida aada al-rajulu akhahu aw zarahu, ay maridhan, aw zarahu, ay sahihan. Fa'aw lit-tanwi' wal-iyadatu tusta'malu ghaliban fil maradi waz-ziyarati fi s-sihha. Donc qu'est-ce que nous dit ici un des élèves de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en guise d'explication de ce hadith-là? Il dit, si l'homme visite son frère malade, ou zarahu, comme il a dit, c'est-à-dire en bonne santé. Ici, aou, en arabe, hein, qu'on peut traduire par ou, ici, tufidu en arabe, at-tanwi', c'est-à-dire quoi? La diversification. Et al-iyadatu vient du verbe, aada, ya'udu, iyadatan. Et il est utilisé en général, le cheikh d'ici, il est utilisé en général quand on visite quoi? Le malade. C'est pour ça qu'on dit « iyadatul marid ». Et « az-ziyaratu » du verbe vient « zara yazuru ziyaratan ». Donc il y a une différence entre « iyada » et « az-ziyara » comme on va le voir. Et « az-ziyara » est utilisé en général pour la visite de quelqu'un en bonne santé, ce qu'on appelle « as-sahih ». Une différence entre « al-marid » et « as-sahih ». Ibn al-Athir, hein, encore une fois, cette référence, elle vient souvent, et il était en vente il y a quelques jours, pas loin d'ici. Hein? Je ne sais pas si on en a encore à la kulli hal. Ibn al-Athir, il a dit dans An-Nihaya, toute personne qui vient à toi une fois après l'autre est un a'idun, a'id. Même si ce qui est connu, c'est la visite du malade, à tel point que c'est comme si c'était spécifique à la visite du malade, quand on dit quoi? Iyada. Hein? C'est pour ça que souvent on dit, on entend le mashir dire iyada tul marid. Bien, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Il dit tibta, c'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui mène une vie heureuse dans l'au-delà. Wa taba mamshaka, al-qari a dit rahimahullah, c'est-à-dire ton action de marcher est la cause que tu mènes, que tu y mènes une vie heureuse. Le même chat, hein, même chaka. وتبوأت منزلا في الجنة. Il est dit dans Al-Nihaya d'Ibn al-Athir, il est dit بوأه الله منزلا. C'est-à-dire Allah lui fait résider. Al-Qari rahimahullah a dit, c'est-à-dire tu t'y es préparé par cette visite un grand degré et une grande position. Car le fait de faire entrer le bonheur dans le cœur d'un croyant est d'une grande récompense. Surtout lorsqu'on sait que la visite d'un malade est un rappel et un avertissement et un exemple et un rappel de profiter de l'occasion de la bonne santé et de la vie. Il y a dans ce hadith également la préscience, le bien de visiter le malade et de se visiter en Allah et l'immensité de la miséricorde d'Allah. Il y a dans ce hadith également qu'Allah parle à ses adorateurs réellement en l'informant de ce qu'il a préparé pour lui au paradis. Deuxième nasiha, et on prend aussi de l'Adab Mufrad, mais je vais aller dans un autre volume. Par exemple, les frères qui veulent jeter un coup d'œil ici, le livre là aussi. Et c'est une nasiha sur l'amour en Allah Azza wa Jal. Et ce chapitre, Bab, Ida ahab al-rajulu akhahu fal-yu'limhu. عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وكان قد أدركه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه والحديث رواه أبو داود والترمذي والصحاح وشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة كما وسوف نرى ذلك إن شاء الله. Donc le hadith il dit, traduction approximative du hadith. Et c'est l'imam Bukhari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit dans l'Adam Mufrad, chapitre, hein, que si l'homme aime son frère, qu'il lui fasse savoir. L'imam Bukhari, il y a rapporté le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre vous aime son frère, qu'il lui fasse savoir qu'il l'aime. Et c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, comme j'ai dit, et At-Tirmidhi, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Explication du hadith. قال الخطابي معناه الحث على التودد والتآلف وذلك أنه إذا أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده وفيه أنه إذا علم أنه محب له غير الفقد المشايخ سبحان الله وفيه أنه إذا علم أنه محب له وواد له قبل نصيحته ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه أو سقطة إن كانت منه وإذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء ظنه فيه فلا يقبل منه قوله ويحمل ذلك منه على العداوة والشنآن. Donc qu'est-ce que Al-Khattabi dit ici, rahimahullah, son sens du hadith est l'incitation à témoigner de l'affection à autrui et à l'amitié, car s'il informe qu'il l'aime, il conquiert de cette manière son cœur, hein, et son affection. Il y a également dans ce hadith que s'il sait qu'il l'aime et qu'il éprouve de l'affection envers lui, il accepte sa nasiha. Il ne rejette pas sa parole lorsqu'il l'informe de l'un de ses défauts. On avait vu que nasiha, ça venait de quel mot en arabe? Nakoulou, nasaha al-rajulu thawbahu idha khatahu. C'est le livre de Cheikh Rabia qu'on a fait. Hein? Ou bien c'est du passé? Hein? C'est aux oubliettes. Non, on avait dit que le fait de faire nasiha, c'est comme, vous dites, c'est-à-dire comme si l'homme, il reprend son tissu lorsqu'il y a un trou ou la haja, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est corriger les défauts. Donc je répète cette phrase qui est importante. Il y a également dans ce hadith que s'il sait qu'il l'aime et qu'il éprouve de l'affection envers lui, il accepte sa nasiha et ne rejette pas sa parole lorsqu'il l'informe de l'un de ses défauts ou d'une erreur qu'il a commise. Et s'il ne sait pas, hein, qu'il l'aime, s'il ne sait pas son amour pour lui, il se peut qu'il ait un mauvais soupçon envers lui et qu'il n'accepte pas de lui sa parole et que cela l'amène à l'inimitié, l'adawa. Hein? Continue encore, vous allez voir qu'on est loin par rapport à ce qu'étaient les Sahaba et nous, Faut les prendre comme exemple, inshallah. An Anas qala kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Idh marra rajulun fa qala rajulun min al-qawm ya Rasulullah inni la uhibbu hadha ar-rajul. Qala hal a'lamtahu dhalik? Qala la. Fa qala qum fa'alimhu. Qala fa qama ilayhi fa qala ya hadha wallahi inni la uhibbuka fillah. Qala أحبك الله الذي أحببتني له. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيره وحديث صحيح خرجه شيخنا يعني الألباني رحمه الله في الصحيحة. أنس أدي j'étais assis chez le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'un homme passa, un homme parmi les gens dit: Ô messager d'Allah, j'aime cet homme. Il dit: De lui as-tu fait savoir? Il dit non. Il dit lève-toi et fais-lui savoir. Fais-le-lui savoir. Il dit, il se leva vers lui et dit, ô toi, par Allah je t'aime en Allah. Il dit que celui pour qui tu m'as aimé t'aime. Et c'est un hadith rapporté par Ahmed et Abu Dawood et d'autres et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Silsilat al-Hadith Sahiha. C'est un hadith avec le numéro 418. On va terminer là-dessus. Wallahu a'lam. Wa subhanaka allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.